إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc le cours concernera un sujet important et qui est d'actualité. C'est le sujet de l'i'tikaf. L'i'tikaf, qu'on traduit en français par la retraite pieuse, tiré d'un ouvrage, d'un recueil de fiqh, de jurisprudence, qui s'intitule Al-Fiqh al-Muyassar, préparé par un certain nombre de professeurs et de mashayikh à Médine, et publié par le complexe du roi Fahd à Médine. Al-i'tikaf. تعريف الاعتكاف وحكمه، la définition, la signification de الاعتكاف et son jugement. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. Dans la langue, le sens littéraire, littéral, linguistique de ce mot الاعتكاف, c'est de rester près d'une chose ou à l'intérieur d'une chose et de bloquer son nefs dans cette chose-là pour ne pas qu'elle dévie, qu'elle ne s'échappe ou qu'elle ne quitte cette chose-là. Wa fi shar'i luzum al-muslim al-mumayyiz masjidan li ta'ati Allah 'azza wa jalla. Et le sens, la définition religieuse, le sens qui est voulu de ce mot dans la religion, c'est que le musulman, al-mumayyiz, qui a atteint l'âge de discernement et de distinction, qui est aux environs de 7 ans, à partir de l'âge de 7 ans, c'est l'âge qui est entre le petit enfant et l'âge de puberté. C'est ce qu'on appelle at-tamyiz, l'âge de discernement. La personne, elle peut, cet enfant peut faire des choses, on peut lui demander, mais il n'est pas encore en âge auquel il incombe d'accomplir les règles religieuses. C'est l'âge à partir duquel on demande à l'enfant de commencer la prière, bien qu'à la base, elle n'est pas obligatoire pour lui. Comme l'a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Murru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a » Ordonnez la prière à vos enfants alors qu'ils ont l'âge de 7 ans, car avant l'âge de discernement et de distinction, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. À partir de 7 ans, eh ben là, il commence à différencier et il fait la part des choses. Donc, qu'il soit musulman, et au minimum, il ait l'âge de discernement. Donc, c'est le fait qu'il reste dans la mosquée. Pour quelle raison ? Pour l'obéissance et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle il reste dans la mosquée. Hukmuhu, son jugement. Wa huwa sunnatun wa qurbatun ila Allah Ta'ala. Donc c'est une sunnah, une tradition du prophète alayhi salatu wa salam, et un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. لقوله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le verset numéro 125 de la sourate numéro 2, la sourate Al-Baqarah, la vache. Dans le sens du verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala demande à ses deux prophètes, Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salam, de purifier, nettoyer sa demeure, la maison sacrée, pour ceux qui vont faire l'acte de circumambulation, de tourner autour de la Kaaba, pour ceux qui vont faire l'i'tikaf, al-aakifin, ceux qui viennent pour rester dans la mosquée, pour adorer Allah Azza wa Jal, ceux qui sont en état d'inclinaison et en état de prosternation. Wa hadhihi al-aya dalilun ala mashru'iyyatihi hatta fil umami as-sabiqa. Ce verset est une preuve, un argument que cette action, cet acte d'adoration qui est al-i'tikaf, a déjà été légiféré au peuple d'avant nous. Bien avant nous, c'était une action qui était connue et légiférée. Wa qawluhu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le verset numéro 187 de la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, la vache, dans le sens du verset est: ne vous approchez pas, n'ayez aucune relation, c'est-à-dire avec vos épouses, alors que vous êtes en état d'i'tikaf. Car cela est l'i'tikaf interdit d'approcher son épouse. C'est un moment où la personne, elle est concentrée dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans un lieu bien précis qui sont les mosquées. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa an Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. Et d'après la mère des croyants, Aïcha رضي الله عنها, que le prophète صلى الله عليه وسلم accomplissait la retraite pieuse, l'i'tikaf, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan jusqu'à que la mort jusqu'à qu'il est mort, alayhi salatu wassalam. Il a accompli cette action tous les ramadans jusqu'à qu'il est décédé, alayhi salatu wassalam. Le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Wa ajma' al-muslimuna ala mashru'iyyatihi wa annahu sunnah. Et les savants de l'islam sont unanimes. Il y a consensus là-dessus que al-i'tikaf, la retraite pieuse, est légiférée et que c'est un acte recommandé. Le terme sunnah dans le fiqh, il a un sens propre. Dans usul al-fiqh, il a un sens propre. Donc selon les matières étudiées, un mot peut avoir différents sens. Et ici, dans le domaine du fiqh, le terme sunnah est employé pour dire recommandé, conseillé. لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأنه ينذره. Il n'est pas obligatoire d'accomplir l'i'tikaf, sauf si la personne se l'est obligé à lui-même. C'est lui qui a pris cet engagement de le faire et il doit tenir son engagement. Sinon, à la base, ce n'est pas un acte obligatoire. فثبتت سنة الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. Donc il a été prouvé que l'i'tikaf est un acte recommandé, un acte sunna, un acte légiféré d'après le Coran, la sunna et le consensus. شروط الاعتكاف, les conditions de la retraite pieuse. الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها. الاعتكاف, la retraite pieuse, comporte des conditions dont l'i'tikaf ne sera pas valide, ne sera pas accepté s'il n'y a pas ces conditions. Wahiya, et ce sont: an yakun al-mu'takif musliman mumayyizan aqilan. Première condition, c'est que cet acte soit accompli par une personne qui est musulmane, qui a atteint l'âge de discernement et qui a toute sa raison. فلا يصح الاعتكاف من الكافر. L'i'tikaf, c'est un acte d'adoration, ne sera pas accepté d'un mécréant. Parce que c'est un acte d'adoration. Et tous les actes d'adoration ne peuvent être acceptés s'ils n'ont pas les conditions de validité. Et les conditions de validité de chaque acte d'adoration, c'est la réalisation, la concrétisation des deux témoignages, des deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Que tu n'adores, que tu n'accomplis cette adoration que pour Allah seul, sans rien lui associer, et que tu accomplis cette adoration selon les enseignements et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans son adoration à son Seigneur. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Cependant, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah seul, l'unique, sans rien lui associer, à lui appartient la religion. فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Adore donc Allah sincèrement pour lui la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ أَيْ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ. Celui qui invente, qui ramène une chose dans la religion alors que cela n'en fait pas partie, est à rejeter. Et dans l'autre hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. Et comme a bien dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que les œuvres accomplies ne sortent pas de quatre catégories. Obligatoirement, l'œuvre que tu accomplis, que tu fais, elle entre dans une des quatre catégories. Une seule est acceptée et les trois autres catégories sont rejetées, elles sont invalides, elles sont caduques. Il y a celui qui fait une action sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette œuvre, elle est acceptée. Il y a celui qui fait une action qui n'est pas faite sincèrement pour Allah et qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-là, elle est rejetée. Il y a celui qui fait une action sincèrement pour Allah Azza wa Jal, mais elle est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas acceptée. Et il y a la personne qui ne fait pas l'action pour Allah, mais l'action, elle est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est aussi pas acceptée. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit accomplie sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire réaliser convenablement la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que tu ne dois adorer que Allah seul, l'unique, et tu ne l'adores que comme il a légiféré subhanahu wa ta'ala. Alla ta'bud illa Allah wa la ta'buduhu illa bima shara' am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils donné à Allah des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون. Ce n'est pas accepté aussi d'une personne qui est atteinte de la folie, quelqu'un qui n'a pas sa raison, qui a perdu sa raison. ولا الصبي غير المميز. Et non plus de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان. Deux points importants qui ne sont pas parmi les conditions de validité de l'itikaf. Au cas où certains penseraient que ce sont des conditions, il n'y a pas besoin d'être un garçon et il n'y a pas besoin d'avoir atteint l'âge de la puberté pour que ce soit accepté, l'itikaf, et qu'il soit valide. فَيَصِحُ الْإِعْتِكَافِ مِنْ غَيْرِ الْبَالِغِ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا. L'itikaf est reconnu, accepté, valide de l'enfant qui a atteint l'âge de discernement, même s'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et l'âge de la puberté, on le reconnaît par des signes. On le reconnaît par des signes qu'on retrouve chez le garçon et la fille. Et la fille a des signes que le garçon n'a pas. Et si les signes n'apparaissent pas, tarde à arriver, l'âge pris en compte dans la religion, qui sera considéré comme l'âge de la puberté, qui est la véritable majorité reconnue dans l'islam, c'est l'âge de 15 ans. C'est l'âge de 15 ans si les signes ne sont pas apparus auparavant. وَكَذَلِكَ مِنَ الْأُنْثَى. De même, l'ihtikaf, il est accepté de la fille. Ce n'est pas une adoration réservée seulement ou spécialement pour les garçons. ثَانِيًا. Deuxièmement, deuxième condition, النِّيَّة. Il faut qu'il y ait l'intention. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. الحديث رواه البخاري ومسلم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les œuvres ne valent que par leurs intentions. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. فَيَنْوِي الْمُعْتَكِفْ لُزُومَ مُعْتَكَفِهْ قُرْبَةً قُرْبَةً وَتَعَبُّدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc, celui qui va accomplir cette action, qui est la retraite pieuse, il en a l'intention de le faire, de rester dans cet endroit pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et adorer Allah azza wa jal. Thalithan, troisièmement, an yakoun al-i'tikaf fi masjid. Donc l'i'tikaf ne peut pas être accompli dans n'importe quel endroit. L'endroit approprié pour accomplir l'i'tikaf, c'est la mosquée. Li qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fi al-masajid. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, alors que vous êtes en état d'i'tikaf dans les mosquées. Wa li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam حيث كان يعتكف في المسجد. Et aussi la preuve de cela, c'est l'action même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne faisait l'i'tikaf que dans la mosquée. Wa lam yunqal anhu أنه اعتكف في غيره. Et il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la retraite pieuse dans autre que la mosquée. Rabi'an, quatrième condition, أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة. Que la mosquée dans laquelle il va accomplir la retraite pieuse, on y accomplit les prières obligatoires en commun. وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة. Surtout si la période dans laquelle il va accomplir l'i'tikaf, il y aura dans cette période-là des prières obligatoires à accomplir. وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة. Et au même moment, celui qui accomplit l'i'tikaf, il fait partie des gens dont il est obligatoire pour lui d'assister à la prière en commun. لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه. Car s'il fait l'i'tikaf, la retraite pieuse, dans une mosquée dans laquelle on n'accomplit pas la prière en groupe, en commun, ça va amener cette personne à délaisser cette prière en commun, alors que pour lui c'est une obligation. أو تكرار خروج المعتكف كل وقت وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. Ou alors ça va amener cette personne qui est en état d'i'tikaf à sortir plusieurs fois de son lieu pour aller accomplir la prière en commun. Et ceci est contraire à la nature même et la raison pour laquelle il y a l'i'tikaf, qui est de ne pas quitter le lieu. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا. Mais pour la femme, contrairement à l'homme, elle, il lui est permis de faire l'i'tikaf dans n'importe quelle mosquée, qu'on y accomplit les prières en commun, les obligatoires en commun ou pas. Parce que la prière en commun n'est pas obligatoire pour la femme. Donc il n'y a pas de souci pour elle. Ne soyez pas étonnés de ces détails. Parce qu'il y a des mosquées, ce sont des mosquées, ils ont le titre de mosquée, mais on n'accomplit pas les cinq prières dedans. Dans les pays musulmans, vous avez des mosquées construites sur le chemin de la route, du voyage. Les gens s'arrêtent, ils prient dedans, puis ils repartent. Si personne ne passe, et il n'y a personne qui habite aux alentours, eh bien, plusieurs prières vont passer, l'horaire de prière vont passer sans qu'il n'y ait la prière en commun qui soit accomplie. Donc, il y a des mosquées les prières obligatoires ne sont pas accomplies tout le temps dedans. C'est pour cela qu'il faut cette précision. هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. Ceci, si pour cette femme il n'y a pas de troubles, de problèmes qui peuvent lui être causés en étant dans ce lieu pour faire l'i'tikaf. S'il y a une crainte pour cette femme, alors elle devra ne pas le faire dans ce lieu-là. Wal afdal an yakuna al masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jumu'ah. Et le mieux serait une mosquée dans laquelle on y accomplit, en plus des cinq prières, la prière du vendredi. Comme ça, complètement, la personne n'aura pas besoin de sortir de ce lieu. لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. Mais ceci n'est pas une condition, la prière du vendredi. Parce que le vendredi, c'est une fois dans la semaine, par rapport à la différence des cinq prières quotidiennes. خامساً, cinquième condition, الطهارة من الحدث الأكبر. D'être purifié de la grande souillure, de la grande impureté. Les ablutions, c'est normal. La personne elle est amenée à perdre ses ablutions. Donc, il va faire ses ablutions. Et il peut rester dans la mosquée même s'il n'a pas ses ablutions. Mais la grande impureté, al-janaba, lui interdit de rester dans la mosquée. Il n'a pas le droit d'être dans la mosquée, de résider dans la mosquée en état de grande impureté. فَلَا يَصِحُّ اِعْتِكَافُ الْجُنُوبِ. Celui qui est en état de janaba, son i'tikaf n'est pas valide, n'est pas accepté. وَلَا الْحَائِضِ. Ni la femme qui est en état de menstrue. وَلَا النُّفَسَاء. Et ni la femme qui est en état de loshi. لِعَدَمِ جَوَازِ مُكْثِ هَؤُلَا فِي الْمَسْجِدِ. Pourquoi? Parce que ces catégories de personnes n'ont pas le droit de rester dans la mosquée à la base. La mosquée est interdite pour ces trois catégories de gens. Les gens qui sont en état de janaba et les femmes en état de menstrue ou en état de loshi. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف. D'être en état de jeûne n'est pas une condition pour faire l'i'tikaf. Parce que l'i'tikaf, les gens en entendent parler souvent pour les 10 derniers jours de Ramadan. Alors que c'est une ibada qui est recommandée, légiférée toute l'année, l'i'tikaf. On va le voir ça, Inch'Allah. Et certains pensent que pour faire l'i'tikaf, il faut être en état de jeûne. Et quelqu'un qui ne jeûne pas ne peut pas faire l'i'tikaf. Donc là, il nous dit, أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف. D'être en état de jeûne n'est pas une condition pour l'i'tikaf. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك. الحديث رواه البخاري ومسلم. Pour ce qui est rapporté d'après Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, d'après son père Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, qui dit, ô messager d'Allah, à l'époque pré-islamique, avant l'islam, j'avais pris l'engagement, j'avais fait le vœu de faire l'i'tikaf une nuit, une seule nuit, dans la mosquée sacrée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, acquitte-toi de cet engagement. C'est-à-dire, tu l'as pris cet engagement, tu t'es engagé à le faire, et bien cet engagement, c'est une dette que tu dois t'en acquitter. Le hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل. Si le jeûne, d'être en état de jeûne, était une condition pour l'itikaf, eh bien il n'aurait pas pu faire l'itikaf de nuit. لأنه لا صيام فيه. Car il n'y a pas de jeûne durant, durant la nuit. On ne jeûne que la journée et non pas de nuit. ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. Et aussi parce que ce sont deux actes d'adoration distincts. Hein, c'est pas, ce sont, hein, ils sont inséparables. Non, chacune est, un, est, est, est dissociée de l'autre. Donc, il n'y a pas cette condition que pour l'acceptation ou la validité de, d'une des deux adorations, il faut obligatoirement la présence de l'autre. زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. Le temps, le moment où il est demandé de faire l'i'tikaf, les actes recommandés durant l'i'tikaf et ce qui est permis de faire à celui qui accomplit l'i'tikaf. زمان الاعتكاف ووقته. Le temps et le moment de l'i'tikaf. المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف. De rester dans la mosquée un certain temps, un laps de temps, ce laps de temps, ce certain temps que tu as eu l'intention de rester en état d'i'tikaf, ceci est le pilier de l'i'tikaf et le pilier de la retraite pieuse. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. Tant qu'il n'y a pas ce moment, ce laps de temps, rester dans la, la mosquée, l'intention de faire l'i'tikaf, ce laps de temps de rester en mosquée, alors l'i'tikaf n'a jamais commencé pour cette personne. Il n'y a pas d'i'tikaf pour lui. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم. Et il y a divergence chez les savants sur la durée minimale. Hein, le minimum de temps à rester dans l'i'tikaf. والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد. Et la vie authentique, si Allah le permet, c'est que le temps de l'i'tikaf n'a pas une durée minimale. فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل. Donc l'i'tikaf est valide même si la personne n'avait l'intention que de rester un certain moment, un petit moment seulement. إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة. Sauf que le mieux à faire dans la durée du temps, c'est qu'au minimum l'i'tikaf il dure une journée ou une nuit. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك. Car il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni d'un de ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in qu'ils ont fait l'i'tikaf moins que ce temps-là, c'est-à-dire moins d'une journée ou moins d'une nuit. Wa afdalu awqat al-i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan. Et le meilleur moment, le moment le plus valeureux pour accomplir la retraite pieuse, c'est durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Les hadiths d'Aïcha radiyallahu anha as-sabiq. Et l'argument, la preuve de cela, c'est le hadith précédent qu'on a vu de la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. رواه البخاري ومسلم. Le hadith de Aïcha radiallahu anha, où elle nous explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf, la retraite pieuse, durant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à qu'il soit mort alayhi salatu wa salam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل. Et si في الاعتكاف à un autre moment que celui-là, son i'tikaf sera autorisé, mais sera contraire à ce qui est préférable et bien meilleur à faire. وَمَنَّوَا اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. Donc là, c'est pour ceux qui veulent faire les 10 dernières nuits d'i'tikaf, des 10 dernières nuits de Ramadan. Et celui qui a l'intention d'accomplir l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan, صَلَّ الْفَجْرُ مِنْ صَبِيحَةِ الْيَوْمِ الْحَادِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَنْوِي الْاِعْتِكَافِ فِيهِ. Il va accomplir la prière de l'fajr, la prière de l'aube, le matin du 21, le matin du 21 de Ramadan, dans la mosquée dans laquelle il va accomplir, il a l'intention d'accomplir l'i'tikaf. Donc celui qui veut complètement faire les 10 dernières nuits, la prière de l'fajr du 21 Ramadan. La prière du fajr du 21 de Ramadan commence l'horaire de l'i'tikaf pour les 10 dernières nuits de Ramadan. Il fait cette prière de l'aube dans la mosquée dans laquelle il a l'intention d'accomplir l'i'tikaf. ثُمَّ يَدْخُلُوا فِي اِعْتِكَافِهِ. Et il entre dans son i'tikaf. Il entre dans cet acte d'adoration, de retraite pieuse. وَيَنْتَهِي. Et les 10 dernières nuits d'i'tikaf de Ramadan, pendant les 10 dernières nuits, il s'arrête, il se termine. وَيَنْتَهِي بِغُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرِ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانِ. Et son i'tikaf se terminera, finira au coucher du soleil de la dernière journée de Ramadan. Par exemple, aujourd'hui, on est en état de jeûne, par exemple, et après le coucher du soleil, on nous informe que demain, c'est l'Eid, la personne, son i'tikaf est terminé. On était le 30, le lendemain, on sait qu'on sera l'Eid. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de doute. Après le coucher du soleil, à l'heure de l'Maghrib, il a fini son i'tikaf. Parce que son i'tikaf, il est pour les 10 dernières nuits de Ramadan. Et le jour change à l'heure de l'Maghrib. Et à l'heure de l'Maghrib, on est la nuit du jour suivant. Aujourd'hui, on est jeudi. À l'heure de l'Maghrib ce soir, on entre dans la nuit du vendredi. Parce que la nuit, elle précède la journée. Donc, on sera la nuit, déjà pour celui qui finit Ramadan, on sera la nuit du premier jour de Shawwal. On n'est plus dans Ramadan. Donc là, s'arrête l'i'tikaf. Mustahabbatu. Wa l'i'tikaf. Ibadatun. Yakhlu fiha l'abdu bi khaliqi. L'i'tikaf, la retraite pieuse, est un acte d'adoration dans laquelle l'adorateur, le serviteur, s'isole avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. وَيَقْطَعُ الْعَلَائِقُ عَمَّ سِوَا. Et il coupe toute relation avec autre que Allah, azza wa jal. C'est un moment réservé pour l'obéissance et l'adoration exclusif d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est en séparation avec les choses de ce bas monde durant son i'tikaf. Fa yustahabbu lil mu'takif an yatafarraga lil ibada. Donc il est recommandé à celui qui a accompli l'i'tikaf de s'adonner complètement à l'adoration. Son temps, il est réservé spécialement à l'adoration. Fa yukthir min as-salati والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. Et donc il augmentera, il fera beaucoup de prières, de rappels et d'évocations d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'invocations et de supplications, de lecture et récitation du Coran, de repentir et de retour à Allah azza wa jal, de demande de pardon et plein d'autres formes d'adoration et d'obéissance qui le rapproche de son Seigneur Allah, élevé soit-il. Ma yubahu lil mu'takif. Parmi les choses qui sont permises, autorisées à celui qui est dans cet acte d'adoration de retraite pieuse. Wa yubahu lil mu'takif al-khuruj min al-masjid lima la budda min. Il est permis, autorisé au mu'takif, à celui qui est en état de retraite pieuse, de sortir de la mosquée pour une raison valable, pour une chose indispensable. il n'a pas le choix, hein, il est dans l'obligation de sortir de la mosquée pour faire telle chose, cette chose-là, elle lui est permise. C'est un moment qui lui est permis de quitter son lieu d'i'tikaf. Kal khuruj lil akli wa shurb. Il n'a pas à manger, il n'a pas à boire. D'accord ? Donc, il va sortir pour cette raison bien précise, pour pouvoir manger et boire et revenir à son lieu d'i'tikaf. Idha lam yakun lahu man yuhdiruhuma. S'il n'a personne qui puisse lui ramener dans son lieu d'i'tikaf. S'il y a des personnes, des proches à lui, de la famille, des amis, des connaissances qui peuvent lui ramener, il reste dans son état d'i'tikaf, dans son lieu d'i'tikaf, et ces personnes-là lui ramèneront de temps à autre ce qu'il lui faut comme nourriture et boisson. S'il n'a personne, alors il lui est permis de sortir pour cette raison bien précise, pour rien d'autre en dehors de cela. والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث. De même, bien sûr qu'il lui est permis de sortir pour aller faire ses besoins, pour sortir pour aller recommencer les ablutions. والاغتسال من الجنابة. Ou alors il s'est réveillé en état d'impureté majeure, il doit quitter pour pouvoir faire son lavage du corps, faire son ghusl et retourner directement à son lieu d'i'tikaf. ويباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم. Et il lui est permis de parler avec les gens dans ce qui est bénéfique et utile. D'accord ? Quelque chose qui est utile, qui a son utilité. Et de demander sur leur état. أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. Mais de parler alors que tu es en état d'i'tikaf, en état de retraite pieuse, alors qu'il n'y a aucune utilité, aucun besoin de parler, là où il n'y a pas de nécessité, alors là, en agissant ainsi, tu contredis, tu vas à l'encontre de la raison, de l'objectif même de l'i'tikaf, de la raison pour laquelle l'i'tikaf il a été légiféré et demandé. أن يزوره بعض أهله وأقاربه. Et il est permis que des proches ou des gens de sa famille viennent le visiter dans son lieu d'i'tikaf. C'est pas lui qui bouge, c'est eux qui viennent à lui pour le visiter et voir son état. Il n'y a pas de mal à cela qu'il les reçoit. وأن يتحدث إليه ساعة من زمان. Et qu'il parle avec eux un laps de temps. Ils sont venus spécialement pour le voir, qu'il parle avec eux un laps de temps. Il n'y a pas de mal en cela. والخروج من معتكفه لتوديعهم. Et de les accompagner jusqu'à la porte, à la sortie de la mosquée, hein, pour les avant qu'ils sortent, il les accompagne et eux ils vont partir et il revient à son endroit. Il n'y a pas de mal en cela. لحديث صفية رضي الله عنها. Et en cela on a le hadith de la mère des croyants, صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها, une des épouses du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est une hébreu, hein, qui était une juive convertie à l'islam, et son père c'était un grand rabbin des juifs qui s'appelle Huyay ibn Akhtab. Et sa fille, donc elle est devenue l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une des mères des croyants radiyallahu anha. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. والحديث رواه البخاري ومعنى ليقلبني يردني إلى بيتي. Donc Safiya radiallahu anha, elle nous raconte qu'elle est venue visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée dans la nuit alors qu'il était en i'tikaf, et elle a parlé avec lui. Une fois qu'elle a terminé sa discussion, elle s'est levée pour partir. Et en partant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il l'a accompagné jusqu'à la porte à la sortie de la mosquée. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari. Walil mu'takif an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid ma'a al-muhafazati 'ala nadhafati al-masjid wa siyanatihi. Et le mu'takif, celui qui est dans cette adoration de retraite pieuse, il lui est permis, autorisé, de manger, de boire, de dormir dans la mosquée, tout en préservant la propreté de la mosquée. Manger et boire ne veut pas dire laisser l'endroit sale. D'accord? C'est de le laisser propre, bien meilleur que comme tu l'as trouvé. مبطلات الاعتكاف. Ce qui annule l'i'tikaf. يبطل الاعتكاف بما يلي. L'i'tikaf sera annulé s'il y a une des choses suivantes commises. الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا. Que la personne est sortie sans aucune raison valable de la mosquée volontairement. وإن قل وقت الخروج. Même s'il est resté, il est sorti vite fait. Le fait de l'avoir fait volontairement, sans aucune raison valable, annule son i'tikaf. Les hadiths d'Aïcha, radiyallahu anha, wa kana la yadkhulu al-bayt illa li hajatin idha kana mu'takifan, rawahu al-Bukhari. La preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, qui dit: et il ne sortait et il ne revenait à la maison que pour une raison, un besoin, lorsqu'il était en état d'i'tikaf. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et aussi pourquoi? Parce que le fait de sortir, hein, enlève cette action qui est le pilier même de l'i'tikaf, de rester dans le lieu d'i'tikaf qu'on appelle Al-Mu'takaf. Alors que c'est le pilier même de l'i'tikaf. Al-Jima'a, d'avoir des relations avec son épouse, ceci annule l'i'tikaf. Walau kana thalika laylan, même s'il l'a fait durant la nuit. Pendant Ramadan, ceci est interdit durant la journée. Durant les nuits de Ramadan, ceci est permis pour l'époux avec son épouse. Mais en état d'i'tikaf, c'est interdit d'approcher son épouse de journée comme de nuit tant que tu es en état d'i'tikaf. أو كان الجماع خارج المسجد. Voilà que cela, cette action a eu lieu en dehors de la mosquée. Quelle que soit cette chose-là, annule l'i'tikaf. لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Pour la parole d'Allah, élevé soit-il, dans le sens du verset, le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, et ne les approchez pas, c'est-à-dire les épouses, alors que vous êtes en i'tikaf dans les mosquées. Aussi, dhahabul aql, la personne elle a perdu sa raison, et d'avoir être en état de raison, c'est une des conditions pour l'i'tikaf. Et celui qui perd sa raison n'est plus responsable de ses actes, donc les actes d'adoration ne lui incombent pas, donc l'i'tikaf il est annulé pour lui. Fayufsidu l'i'tikaf bil junun wa sukar. Donc l'i'tikaf il sera caduque si la personne a perdu sa raison, soit par la folie, ou alors quelqu'un qui est devenu sous, hein, qui a bu de l'alcool, du vin, sa raison elle part, son acte d'adoration il devient caduque. Les khuruj al-majnun wa sakran an kawnihima min ahli al-ibada. Car ces deux catégories de gens, une personne qui est atteinte de folie, qui n'a plus sa raison, et une personne qui est sous, donc après avoir consommé de l'alcool, du vin, ces deux personnes-là ne font pas partie, dans cet état-là, ne font pas partie des gens de l'adoration. Hein, parce qu'ils ne sont pas dans les conditions. Al-hayd wa an-nifas. Si la femme, durant son i'tikaf, hein, elle a les menstrues, ou elle est en état de louchi, li'adami jawazi mukthi al-hayd wa an-nufasa fi al-masjid. Car la femme qui est en état de menstrue ou en état de louchi n'a pas le droit de rester dans la mosquée. Ar-ridda, l'apostasie. Si la personne a l'apostasie, c'est fini. Toutes ses œuvres, elles tombent. Toutes ses adorations, elles tombent. Elles deviennent caduques. Il a tout perdu. Donc, il devient caduque son état d'i'tikaf, qu'Allah nous en préserve. Limunafatiha al-ibada. Car elle est en totale contradiction avec l'adoration. ولقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. Et aussi pour la parole d'Allah, élevé soit-il, c'est le verset de la sourate Az-Zumar, le verset numéro 65. Dans le sens du verset, Allah nous dit: si tu viens à associer, à commettre le polythéisme,